Donc, on reprend en raison d'une coupure de l'enregistrement. Donc, on était arrivé, c'est le cours numéro 7, à Babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah. Et c'est le chapitre qui va se consacrer à étudier ce qui concerne l'appel à l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et l'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Chapitre 2, l'appel à l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et la parole d'Allah, le Très-Haut, dont la traduction du sens rapproché est dit, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Surat Yusuf, verset 108. Et là-dessus, on a l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, qui dit « Munasabatul babi li kitab al-tawhid, anna al-musannifa, rahimahullah, lamma dhakara fil abwab al-sabiqati al-tawhid wa fadlah » وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Donc Cheikh Salih Al-Fawzan, quand le préserve, il dit le rapport entre le chapitre, quel chapitre, باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab, après avoir parlé de l'unicité dans les chapitres précédents, on les a déjà vus, et de son mérite, et de ce qui rend obligatoire de craindre son contraire, dit dans ce chapitre qu'il ne convient pas à celui qui a connu cela de se limiter à sa propre personne. Vous voyez le husn tertib du Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, comment il a bien écrit son livre et comment il a bien agencé les chapitres les uns après les autres. Dit dans ce chapitre qu'il ne convient pas à celui qui a connu cela de se limiter à sa propre personne, mais qu'au contraire, il lui est obligatoire d'appeler Allah le Très-Haut avec sagesse et par la bonne exhortation, comme c'est la voix des messagers et de leurs suiveurs. Puis Cheikh, comme il fait son habitude, il va expliquer des termes et il dit « Ad-du'a » par rapport au bab ad-du'a. Ad-du'a, c'est-à-dire ici l'appel, l'invitation, le fait d'appeler les gens. Ila shahadati an la ilaha illallah, ay ila tawhidillah wal iman bih wa bima ja'at bihi rusuluh mimma huwa madlul hadhihi ash-shahada. Ila shahadati an la ilaha illallah, à l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah et à croire en lui, subhanahu wa ta'ala, et en ceux avec lesquels sont venus ses messagers. C'est-à-dire les messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa alayhimu salatu wa salam, quant à ce que cette attestation indique. Qul, par rapport au verset de Surat Yusuf, verset 108, Qul hadhi sabili, Qul al-khitabu li, alayhi salam, al-khitabu lil-rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Qul, c'est-à-dire dit, cela s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam. Sabili, tariqati wa da'wati. Sabili, هذه peut-être d'abord avant هذه هذه اي الدعوه التي ادعو اليها والطريقه التي انا عليها هذه voici ou celle-ci, c'est-à-dire le prêche auquel j'appelle et la voie sur laquelle je suis. سبيلي طريقتي ودعوتي. سبيلي ma voie يعني ma méthodologie et mon prêche. La voix avec O-I-E. Hein? La voix que tu suis. C'est-à-dire ma voix, ma méthodologie, mon prêche. Ad'u ila Allah, ila tawhidillah, la ila hadzin min hududi d'dunya, wa la ila riasatin, wa la ila hizbiyatin. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, à l'unicité d'Allah, pas à une portion parmi les portions de ce bas monde, ou à une part parmi les parts de ce bas monde, ni à une présidence, ou un leadership si vous voulez, ni à un sectarisme. Et on va voir après qu'il y a une indication de sincérité dans ce verset. C'est un rappel de sincérité. Quand tu appelles Allah pour parce que tu cherches la face d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. On va voir ça plus tard, Inch'Allah. عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَى عِلْمٍ بِذَلِكَ وَبُرْهَانٍ عَقْلِيٍ وَشَرْعِيٍ وَالْبَصِيرَةُ الْمَعْرِفَةُ الَّتِي يُمَيِّزُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. عَلَى بَصِيرَةٍ, sur une preuve évidente, sur une science de cela, et une preuve rationnelle et religieuse. Et al-basirah est la connaissance par laquelle il distingue le vrai du faux. D'ailleurs, souvent on traduit ça par quoi ? Par clairvoyance en français. D'accord ? ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني يحتمل أنه عطف على الضمير. Ici encore une fois l'importance de النحو, la langue arabe. Parce que c'est pas ce qu'on atf, vous allez pas avoir difficile, c'est pas ce qu'on damir, vous allez avoir difficile. Et on va voir qu'il y a pas mal de points de grammaire dans le cours d'aujourd'hui en tout cas. Il dit le shir, يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. C'est-à-dire que nous, on n'aurait pu lire ce verset, on n'aurait jamais vu ça dans ce verset, peut-être. D'accord ? ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. Donc ici, un point ici qu'il rapporte le cheikh, il dit, vous vous rappelez du verset, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Là, il va parler de ومن اتبعني و, c'est un harf ou atfin, c'est une conjonction de coordination, et c'est ça qui va parler le chéri ici. Et ceux qui me suivent, ومن اتبعني, c'est-à-dire qui ont cru en moi et m'ont cru. آمنوا بي وصدقوني, ils ont cru en moi et m'ont cru. Il se peut que la coordination, l'atf, ou soit au pronom, au cas nominatif. Vraiment, moi, j'aime pas ce genre de traduction, parce que ça ressemble aux traductions des orientalistes, qui veulent absolument traduire tous les points quand ils apprennent la langue arabe, même les points de grammaire. Le nominatif, c'est rafa, en fait. Ils prennent ça des cas du latin, en général. Il y a plusieurs cas. Il y a le nominatif, génitif, accusatif, et quatrième, j'ai eu mon bac il y a plus de 20 ans, donc en latin, donc je pense que c'est le vocatif, si je me souviens bien. D'accord ? À la coulée, hein ? Donc, ici, le nominatif, c'est le raf'a, en fait. L'accusatif, c'est le nasb. Le génitif, c'est le khaf. À la coulée, c'est juste pour que vous puissiez un peu comprendre, mais il y a des choses que vous allez voir qu'on ne pourra pas traduire en français, ou c'est pas... Il se peut que la coordination soit au pronom, au cas nominatif. Le cheikh, il dit, suivez bien, il dit, أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو. فيكون المعنى, c'est ça qui est important pour vous de savoir. Et donc, en fonction de ça, le sens serait, ou est. À la fin, ce qu'on peut retenir de sens, c'est ça qui est le principal. D'accord ? Si vous ne retenez pas toute l'explication technique, vous n'avez pas les notions de grammaire derrière, hein, ce qui est important, c'est de retenir les deux sens qu'on va citer. C'est-à-dire, moi, j'appelle à Allah, sur une preuve évidente, d'accord ? Et ceux qui me suivent aussi appellent à Allah sur une preuve évidente. Pour la hadith sabili, ad'ou ila Allah, ala basiratin, ana, wa, le waou ici, wa mani taba'ani. Donc la question c'est, à quoi ça revient ce waou ? Ici, c'est l'atf, par rapport à une coordination, par rapport à quoi ? Est-ce que c'est par rapport à ad'ou ou à ana ? C'est ce qu'il est en train de dire le shir ici. Et justement, donc le premier sens, et retenez ça, barakallahu fikoum, moi j'appelle à Allah sur une preuve évidente, et ceux qui me suivent aussi appellent à Allah sur une preuve évidente. C'est-à-dire que la coordination, elle se fait sur le damir, comme il a dit ici, al-marfou, dans ad'ou, j'appelle, moi, j'appelle. D'accord ? Et il se peut, deuxième, il se peut, وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى الدَّمِرِ الْمُنْفَصِلِ أَنَا. Et il se peut que cette coordination, elle soit au pronom détaché, ce qu'on appelle un damir munfasil, qui est ana, d'accord ? Moi, et donc le sens est, c'est ça le deuxième sens qu'il faut retenir, moi ainsi que mes suiveurs sommes sur une preuve évidente. D'accord ? Non ? Suivez ou pas ? Je répète les deux sens. Le premier sens, moi j'appelle à Allah sur une preuve évidente, et ceux qui me suivent appellent à Allah aussi sur une preuve évidente. Deuxième sens, c'est moi ainsi que mes suiveurs sommes sur une preuve évidente. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux sens ? Ben, Cheikh te donne la réponse. Il te dit, et ce qui est juste, at-tahqiq, c'est que la coordination englobe les deux sens. Et donc, ces suiveurs sont les gens qui sont sur une preuve évidente qui appellent à Allah. Wa subhanallah, et gloire à Allah. Et je dis qu'Allah, wa unazzihullah, parce que tasbih c'est tanzih, wa unazzihullah wa uqaddisu an an yakuna lahu sharik fi mulkihi aw ma'budun bihaqqin siwa. Ici, c'est des notions difficiles à représenter en français encore une fois, mais on va essayer. C'est que, et gloire à Allah, unazzihullah wa uqaddisuhu, je dis qu'Allah est exempt et pur d'avoir quelque associé dans sa royauté, ou qu'autre que lui ait le droit d'être adoré. D'accord ? Maintenant, le sens général du verset. Le ma'na al-jmali l'aya. Quel verset ? Le surat quoi ? Surat Yusuf, verset 8, qui dit « قُلْ هَدِي سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » 108, hein? Non. D'accord ? Le sens général de ce verset, Cheikh il dit, le معنى الإجمالي للآية, يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن طريقته وسنته التي أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. Le sens général du verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens au sujet de sa méthodologie et de sa voie, qui est l'appel à attester que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, sur une science et une certitude et une preuve. Et tous ceux qui le suivent appelle à ceux auxquels sallallahu alayhi wa sallam a appelé sur une science et une certitude et une preuve. Et que lui et ses suiveurs disent qu'Allah est exempt d'avoir quelque associé dans sa royauté et exempt d'avoir quelque associé dans son adoration. Et qu'il s'innocente de celui qui lui associe, et ce même si c'est le plus proche des proches. Maintenant, le rapport entre le verset le chapitre, parce que le Cheikh, il a rapporté un chapitre, et il a rapporté un verset comme preuve de ce qu'il a dit dans le titre du chapitre. On est d'accord ou pas? Donc il convient de connaître le rapport entre les deux. مناسبة الآية للباب أن الله ذكر في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن الله ذكر فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. Donc le rapport entre le verset et le chapitre est qu'Allah y a cité la méthodologie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et de ses suiveurs, qui est l'appel ou l'invitation, si vous voulez, à attester que nul n'est en droit d'être adoré par Allah sur une science, avec science, de ceux auxquels ils appellent. Il y a donc dans ce verset l'obligation d'appeler à l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, qui est le sujet du chapitre. Vous avez compris ça ? Maintenant, ma yustafadu min al-aya, ce que l'on tire comme bénéfice du verset. Awalan an ad-da'wata ila shahadati an la ilaha illallah هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. Le premier bénéfice, c'est que l'appel, l'invitation à l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah est la méthodologie du messager صلى الله عليه وسلم et de ses suiveurs. الفائدة الثانية أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه عالما بما ينهى عنه. Il est obligatoire au prédicateur d'être savant de ceux auxquels il appelle est savant de ce qu'il interdit. De ce qu'il interdit. الفائدة الثالثة التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. Le rappel quant à la sincérité dans le prêche, et c'est que le prédicateur n'ait d'autre intention que la face d'Allah, أدعو إلى الله, et qu'il n'ait pas l'intention en cela d'obtenir de l'argent ou une présidence ou un éloge de la part des gens, ou un appel à une secte ou un madhab, une voie. 4. الفائدة الرابعة أن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. 4e point, la preuve évidente est une obligation. Pourquoi? Car le suivi du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est une obligation. Et son suivi ne peut être concrétisé qu'avec la preuve évidente. Et c'est la science et la certitude. Khamisan, le husn al-tawhidi li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Le mérite de l'unicité, car c'est le fait d'exempter Allah, si vous voulez, de tout ce dont tu dois être exempté. Sixièmement, al-fa'idatu sadisa, al-husn قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. Donc on a vu حسن التوحيد dans le précédent, et maintenant قبح الشرك. قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. La vilenie de l'association, le shirk, car c'est une insulte envers Allah, le Très-Haut. سابعا وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك. L'obligation pour le musulman de s'éloigner des associateurs et de ne faire partie d'eux en rien, et qu'il n'est pas suffisant de juste ne pas associer. On continue. An ibn Abbas radiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha mu'adan ila al-Yaman qala lah innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi. On va voir qu'il y a deux manières de le dire. Shahadatu, tu peux dire aussi shahadata. Alla ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim khams salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Fa innahum ata'uka lidhalik فإياك وقراء فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. L'auteur, Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, d'après Ibn Abbas, qu'on les agrée tous les deux, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait Mu'adh au Yémen, lui dit, tu vas rencontrer un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelleras soit l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et dans une autre version du hadith, il a un yuahidullah, qu'il vaut une adoration exclusive à Allah. S'ils t'obéissent en cela, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières chaque jour et nuit. S'ils t'obéissent en cela, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit une aumône qui est prise de leurs riches et qui est donnée à leurs pauvres. S'ils t'obéissent en cela, fais attention au meilleur de leurs biens, et craint la vocation de celui qui a subi l'injustice, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah, l'opprimé. Et c'est rapporté par les deux. On va voir que c'est les deux chirs. Akhrajah. D'ailleurs, ce hadith-là, on a déjà expliqué avec l'explication du chirs Rabi'a, Hafidahullah, dans Mudakkirat al-Hadith Nabawi Sharif. Il est en audio et en PDF sur notre site aussi. Maintenant, l'explication de chirs al-Fawzan, Hafidahullah ta'ala, il dit « Ba'atha mu'adhan wajjahahu wa arsalah » بعث معادا a envoyé معاد il l'a orienté et envoyé إلى اليمن إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية داعيا إلى الله وواليا وقاضيا وذلك في سنة 10 من الهجرة إلى اليمن c'est-à-dire au Yémen, vers le Yémen, vers le pays connu au sud de la péninsule arabique en tant que prédicateur appelant Allah et gouverneur et juge en l'an 10 de l'Hégire. C'est important de retenir des points et des dates comme ça pour... Ahl al-Kitab, هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. الكتاب, les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens car ils étaient au Yémen plus nombreux que les polythéistes arabes ou plus prédominants. شهادة يجوز فيها الرفع شهادة على أنه اسم يكن فليكن أول أول عفوا ما تدعو إليه شهادة. Tu peux dire aussi على أنه اسم يكن مؤخرا وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. Je vais traduire, je vais essayer de traduire ça et après on verra inshallah. Shahadatun, attestation. Il est permis dans ce hadith de le dire au nominatif avec une dhamma, car ce serait alors ism yakun placé après. Et alors awwal est son khabar. Khabar lam yakun, si vous voulez. Khabar yakun. Avancé, et le contraire est permis. C'est-à-dire que tu peux dire les deux. Tu peux dire fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu, alla ilaha illallah. Et tu peux aussi dire fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata, alla ilaha illallah. Encore une fois, l'importance de, d'étudier la langue arabe. وفي رواية أي في رواية أخرى في صحيح البخاري. Et dans une autre version, c'est-à-dire dans une autre version dans l'authentique de Bukhari. أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله. أطاعوك لذلك s'il t'obéit sans cela. Ils ont cru en son obligation et s'en sont acquittés. Iftarada alayhim sadaqa, iftarada alayhim afwan, il leur a prescrit aujaba alayhim. Ata'u ka lidhalik, encore une autre fois. Amanu bi fardiyatiha wa aqamuha. Par rapport à la prière. S'ils t'obéissent en cela, ils ont cru en son obligation et s'en sont acquittés, c'est-à-dire la prière. Iftarada alayhim sadaqatan, aujaba alayhim zakah. Il leur a prescrit une aumône, c'est-à-dire qu'il leur a rendu la zakat obligatoire. On va voir que c'est les étapes dans la da'wah. Iyaka, kalimatu tahdirin. Iyaka, c'est une parole de mise en garde, d'avertissement. Wa karaima mansubun ala tahdir jam'u karima wa hiya al-khiyar al-mali wa nafa'isihi. Wa karaima, yani iyaka wa karaima. Au meilleur de leurs biens, à l'accusatif avec une fatha, car c'est un avertissement et c'est le pluriel de karima et c'est le meilleur des biens et les biens les plus précieux. Ittaqi da'wat al-madloum, ihdarha wa ja'al baynaka wa baynaha wiqayatan bi fi'l al-'adl wa tark al-dhulm. Ittaqi da'wat al-madloum, crains la vocation de l'opprimé, c'est-à-dire sois sur tes gardes quant à elle et mets entre toi et elle une protection. Parce que quand tu dis taqi, c'est ij'al baynaka wa baynaha wiqayatan, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un taqi Allah, c'est-à-dire mets entre toi et le châtiment d'Allah une quelque chose qui te protège. Sois sur tes gardes quant à elle et mets entre toi et elle une protection en appliquant la justice et en délaissant l'injustice. فَإِنَّهُ أي الحال والشأن, c'est-à-dire la situation et l'affaire, car il y a, si vous voulez, لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ, pas de voile entre elle et Allah, c'est-à-dire, elle n'est pas voilée à Allah, mais au contraire, elle est élevée à lui et il l'accepte. أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. Rapporté par les deux, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans les deux authentiques. Al-Ma'na al-Ijmali lil-Hadith, le sens général du Hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما رسله الخطة التي يسير عليها في دعوته, فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم, ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس, فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد. فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. Le sens général du hadith, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dans les deux authentiques, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad au Yémen, par rapport lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad au Yémen, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a orienté Mu'ad ibn Jabal, car Allah l'agré vers la région du Yémen, appelant à Allah, en tant que prédicateur qui appelle à Allah, et en tant qu'enseignant, il lui a tracé la voie, la méthodologie sur laquelle il devait être dans son prêche. Et donc, il lui a mis en évidence qu'il allait, rencontrer des gens dotés de science et qui débattent parmi les juifs et les chrétiens. Et ce, afin qu'ils, Mu'ad, soient prêts à débattre avec eux et à réfuter leurs ambiguïtés, puis qu'ils commencent son prêche par ce qui est plus important, avant ce qui l'est moins. Et donc, il appelle les gens à réformer la croyance en premier, car c'est la base. Et s'ils se soumettent à cela, il leur ordonne de prier, car c'est l'obligation la plus importante après l'unicité. Et s'ils la mettent en pratique, la prière, il ordonne à leurs riches de s'acquitter de l'aumône légale prescrite qu'est la zakat sur leurs biens en la donnant à leurs pauvres, les aidant et en remerciement à Allah. C'est-à-dire en aidant les pauvres, en guise d'aide pour les pauvres et aussi en remerciement à Allah. Puis il l'a mis en garde de prendre les biens les plus précieux car ce qui est obligatoire, c'est le milieu. Puis il l'a incité à être juste et à délaisser l'injustice. Et ce, afin que l'opprimé n'invoque pas contre lui, car son invocation est acceptée. Le rapport entre le hadith et le chapitre. Munasabatu al-hadith lil-bab. Anna awwala ma yud'a ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Wa fihi irsalu ad-du'ati lidhalik. Le rapport entre le hadith, Ibn Abbas radiallahu anhuma, et le chapitre, babu ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre de l'invitation à l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et que la première chose à laquelle on se doit d'appeler est l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et il y a dans ce hadith le fait d'envoyer des prédicateurs qui appellent à cela. Ma yustafadu min al hadith. Et après je vous laisserai le choix. Soit on peut rentrer dans le hadith suivant, mais on ne va pas le terminer. Ou alors on le laisse pour le cours prochain et on le lit complètement avec toute l'explication et on rentre dans ce qui est après. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez ? L'avoir en une fois ? C'est mieux, hein ? C'est mieux ? D'accord, on s'arrête, on rapporte les bénéfices tirés du hadith d'Abdullah ibn Abbas, et on s'arrête. Et le cours prochain, inshallah, on reprend le hadith par rapport à ce qui s'est passé avec Ali quand il a donné l'étendard. Hein ? Et puis on continue, inshallah, dans le chapitre suivant, etc. Donc, ma yustafadu min al-hadith, ce que l'on tire comme bénéfice du hadith. Awalan, mashru'iyatu irsali ad-du'ati ila Allah. L'envoi de prédicateurs appelant à Allah est légiféré. Deuxièmement, anna shahadata an la ilaha illallah awwal wajibin wa hiya awwal ma yud'a ilayhi an-nas. L'appel à l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré par Allah est la première obligation et la première chose à laquelle les gens sont appelés. ثالثا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Le sens de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah est de vouer une adoration exclusive à Allah et délaisser l'adoration d'autres que lui. رابعا أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بنطق الشهادتين. Le mécréant n'est jugé musulman qu'après avoir prononcé les deux attestations de foi. خامسا أن الإنسان قد يكون قارئا عالما هو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. Il se peut cinquièmement que l'individu soit un lecteur et un savant alors qu'il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, nul n'a le droit d'être adoré à part Allah, ou qu'il en connaisse le sens mais ne le mette pas en pratique comme c'est le cas des gens du livre. سادسا أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. Il y a dans ce hadith aussi que la manière de s'adresser au savant n'est pas la manière de s'adresser à l'ignorant. Tu vas rencontrer un peuple parmi les gens du livre, c'est-à-dire qui ont une science. 7. تنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه يتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم. Le rappel qu'il convient à l'individu, et de manière plus spécifique au prédicateur, d'être clairvoyant, d'être sur une preuve évidente quant à sa religion, afin de se tirer d'affaire quant aux ambiguïtés de ceux qui émettent des ambiguïtés, et cela en étudiant la science religieuse. Huitièmement, « Anna salata a'damu al-wajibati ba'da shahadatayn » que la prière est l'obligation la plus importante après les deux attestations de foi. Neuvièmement, la zakat aujab al arkan ba'd al salah. La zakat est le pilier le plus important après la prière. Dixièmement, bayan masrif min masarif al zakah. Masraf min masarif al zakah wa hum al fuqara wa jawaz al iqtisad alayh. Dixièmement, la mise en évidence de l'une des catégories de personnes à qui la zakat est versée, et ce sont les pauvres, et la permission de se limiter à cette catégorie, en sachant que les ulama font une distinction entre le fuqara et le masakin. Vous savez que c'est l'afdan, comment on dit, comment ? Connaît la règle. Ida jtama'a, ftaraqa, wa daftaraqa, jtama'a. C'est-à-dire quand ils sont cités ensemble, le faqir ou le miskin, ils ont un sens différent. Et quand ils sont cités seuls, faqir, ça veut dire le miskin, et le miskin, ça veut dire le faqir. Onzièmement, annahu la yajuzu akhdhu az-zakat min jid al-mal illa bi ridha sahibihi. Il n'est pas permis de prendre la zakat des biens les plus précieux sauf avec l'agrément du propriétaire. Douzièmement et dernièrement, at-tahdhiru min adh-dhulm wa anna da'wat al-madhlumi mustajabatun walau kana 'asiyan. La mise en garde contre l'injustice et l'invocation de l'opprimé est acceptée et c'est même si c'est un désobéissant, quelqu'un qui est désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yarhamukallah. Donc, on va s'arrêter après une demi-heure, 32 minutes, là-dessus. Et après, donc, la prochaine, on a le hadith de Salih ibn Sa'd, qui est le récit de, lors du jour de la bataille de Khaybar, par rapport à l'étendard qui a été donné à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ardah. Inch'Allah, on verra ça le cours prochain. Wa jazakumullahu khairan, wa Allahu a'lam, wa subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.